pense ma vie à saper toutes sortes d'énergumènes. Les humaines sont étranges avec leurs petites manies. Il y a une chose qui me dérange, c'est que j'en suis un aussi. Paraît qu'on est venu là pour en savoir plus long. On avance, même si c'est un reculant. À toutes les fois qu'on dort, ça pourrait être la mort. On se réveille, on se rendort, peut-être qu'on s'améliore. Dans l'antichambre du ciel, à deux pas du portail,